Le jour même, il fit publier, au nom du roi, que tous ceux qui prétendaient à l'emploi de haut receveur des deniers de sa gracieuse majesté Nabussan, fils de Nussanab, eussent à se rendre, en habit de soie légère, le premier de la lune du crocodile, dans l'antichambre du roi. Ils s'y rendirent, au nombre de 64. On avait fait venir des violons dans un salon voisin. Tout était préparé pour le bal. Mais la porte de ce salon était fermée, et il fallait, pour y entrer, passer par une petite galerie assez obscure. Un huissier vint chercher et introduire chaque candidat, l'un après l'autre, par ce passage dans lequel on le laissait seul quelques minutes. Le roi, qui avait le mot, avait étalé tous ses trésors dans cette galerie. Lorsque tous les prétendants furent arrivés dans le salon, Sa Majesté ordonna qu'on les fît danser. Jamais on ne dansa plus plaisamment et avec moins de grâce. Ils avaient tous la tête baissée, les reins courbés, les mains collées à leur côté. « Quel fripon !» disait tout bas Zadig. Un seul d'entre eux formait des pas avec agilité, la tête haute, le regard assuré, les bras étendus, le corps droit, le jarret ferme. « Ah, l'honnête homme, le brave homme !» disait Zadig. Le roi embrassa ce bon danseur, le déclara trésorier, et tous les autres furent punis et taxés avec la plus grande justice du monde. Car chacun, dans le temps qu'il avait été dans la galerie, avait rempli ses poches et pouvait à peine marcher. Le roi fut fâché pour la nature humaine que les 64 danseurs, il y eut 63 filous. La galerie obscure fut appelée le corridor de la tentation. On aurait, en Perse, empalé ces 63 seigneurs. En d'autres pays, on eût fait une chambre de justice qui eût consommé en frais le triple de l'argent volé et qui n'eût rien remis dans les coffres du souverain. Dans un autre royaume, il se serait pleinement justifié et aurait fait disgracier ce danseur si léger. À Serendib, ils ne furent condamnés qu'à augmenter le trésor public, car Nabussan était fort indulgent.